Madame Giry, attendez. Monsieur, non. Je ne sais rien de plus que les autres. Ce n'est pas vrai. N'insistez pas, monsieur. Il y a eu beaucoup trop d'accidents. Des accidents? Par pitié, Madame Giry. Pour nous tous. Très bien. C'était il y a des années. Une fête foraine s'était installée en ville. Des gitans. J'étais très jeune. Je voulais devenir ballerine. Une parmi tant d'autres. Entrez. Un vrai petit rat de l'opéra. Je l'ai caché, loin du monde et de la cruauté. Depuis lors, il ne connaît plus rien de la vie, si ce n'est cet opéra. C'était son terrain de jeu et, à présent, son domaine artistique. C'est un génie. Il est architecte, dessinateur, il est compositeur et magicien. Un génie, monsieur. Mais il est clair, Madame Giry, que le génie s'est transformé en folie.